Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Welcome. Adrien, bonsoir Freddy. Bonsoir Romain. Bonsoir Romain, bonsoir Adrien. Et bonsoir, encore Freddy. Une fois, on est présent avec une nouvelle émission. We're there with a new show. Another week. Another Bonjour Minnesota on KFAI. Exactly. Radio without boundaries. Exactly. So this week we're going to celebrate New York. So we're going to have some titles New York related. By French singers. Yes. So we're going to listen a little bit of that. I'll talk a little bit about the events, but again, it's pretty quiet and lots of movies. I watched recently, what's the name? Deer Hunt? Oh, yes. Deer Skin. Deer Skin. Le Dain? Oui. Jean Dujardin. Jean Dujardin. It's funny and not, and it's very dry sense of humor. It's pretty cool, and it was on sale. Good. Yay! Oh, you nice. Too. But yeah, lots of movies and so what happened for you guys? Well, how actually was, not much. Yeah, it was a pretty week? Gloomy few days. It was pretty chilly. You got pretty chilly for a while. In my apartment, I didn't put the heat on, so I had to put some layers on. Actually, we did turn the heat on two or three nights ago. Yeah, I have it on, but apartment buildings, I think they have a way to control. Yeah. I mean, I used to work in a building where you can control it at the boiler level. And if you don't turn it on at the boiler level, you can put your thermostat at whatever you want. Nothing is moving. Now, I remember I used to live in a condo building, and we would get a notification, October 15th, that the AC was turned off for the rest of the, for 6 months or whatever, and the heat was turned on. Okay. So if it would get cold, between October 1st and 15th, I think one time they did, turn it on early. Yeah, but otherwise you had to, in an apartment building, I can understand, but in a condominium building, that's kind of, you're an owner and you want to turn it on. I guess it depends on what the owners decided. The association, So... I think this week is going to be better. Okay. It's going to be in the 80s midweek. So it should be nicer. Normal temperatures for September. Yeah. Okay. Yeah, it's not time yet to play L'été Indien. No. Joe Dassin, maybe in a week or two. Joe Dassin. Yes. Yeah, yes. We'll play it. We'll play it. We have to. Yeah. So let's start with... a few songs about New York. Yeah. One of the things I wanted to talk about, too, was about the upcoming pledge drive. Oh, yeah. There's still some time, but it's starting October 14th. Yeah. Well, it's for our listeners to start saving up. Yes, exactly. get prepared psychologically to, to take the wallet out and the credit card. And, they can do it anytime, but during the pledge drive, it's... we're trying to boost. Plus you get stuff. Yeah. Depending on how much you contribute. Yeah. And premiums. I don't know about the premiums because sometimes it changes, but it was very frequent to have available to us either socks or a cup, like mugs or t-shirts or things like that. So it's not always the same. Like, for example, one year they had a hoodie and they didn't do it again since. Okay. But typically t-shirts, socks, mugs, hat. I have a beanie, but yeah. And but we do also offer, I don't know what we'll do. What Bonjour Minnesota will do, but we also offer tickets to events or stuff, or movies with but I don't know if I'll be able to do that this time. I have some CDs that we're able to give away. To send. Yeah. So we'll talk about it more as we get closer, but I have maybe a dozen of CDs from different artists, local ones. Right. All right. Should we listen to music? Yes, c'est parti mon kiki. On y va. The first song and first artist we're going to listen to is Lena K. And the name of the song is Comme un 10 septembre, like a September 10th. And she's talking about what happened just a day before something really big happened in our daily lives. Then we're going to listen to Renaud with Manhattan Kabul, featuring Axel Red, talking about the distances in between different worlds. Like one is in Manhattan, another one is in Kabul, and they have very different lives. And September 11th kind of collided. Then we're going to listen to Téléphone with New York Avec Toi, New York With You, and it's alive. New York, je sens le poids de la ville. Je plie sous le vent, me tiens immobile. New York, je n'ai pas le goût des impasses. Je me tire de là sans laisser de traces. Et de temps en temps, ça s'arrête. C'est juste le calme avant la tempête. Comme un 10 septembre, juste avant d'apprendre que rien ne dure. Tout peut basculer d'un jour à l'autre. On ne construit pas sur ses fautes. Comme un 10 septembre, juste avant je tremble. Je sais déjà s'effondrer d'une heure à l'autre. On ne sera plus côte à côte. Le ciel est beau comme un 10 septembre. New York, tu mens. En dehors où je flâne, mais je flâne en dedans. J'ai le cœur en flamme. Sont des gueules de loup. De temps en temps, ça s'arrête. C'est juste le calme avant.

It was Lenaka with Comedy September, then Renault with Manhattan Kabul featuring Axel Red, and Telephone with New York Avec Toi. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. We're going to listen to Telephone avec Le Taxi Là, which is another two, you know, yellow cabs in New York cities. Then Arthur Ashe with Ma Dernière Nuit at New York City, My Last Night in New York City. And it's live at the Francofolies de La Rochelle in 2018. And then Patricia Cass with Une Dernière Semaine à New York, A Last Week in New York. Sortant à l'aube, un vieux taxi jaune s'arrête avec un vieux noir dedans et le vieux noir me dit en américain, parfait. Par la lune, une arrière. Te montrer debout, debout, debout, debout, yeah. Ouais. Je marche comme un homme sur la lune. J'avance entre les tours de lumière et les clameurs de cirque. Nous les sans-visages, les transparents, les esclaves du mouvement. On passe et personne ne nous voit. Nous les abeilles divines, divines, bourdonnantes dans la ville miroir. es-tu prêt à me suivre? Pour s'endormir ensemble à New York. Et s'il ne nous restait plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre? Là-bas, le long des dors. Plus rien que la ville et nous. Oh. Et dans la brume de Chinatown, je saurais te dire les mots doux. Et s'il ne nous restait plus qu'un avion à prendre, serais-tu me comprendre pour cette dernière semaine à New York? Qu'un avion à prendre, saurais-tu me défendre? Là-bas, loin des dors. Oh, il n'y aurait plus que des hôtels et nous. Dormir dans tes bras serait pour moi le désir le plus fou. S'il ne nous restait plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre pour s'endormir ensemble à New York? S'il ne nous restait plus qu'une semaine, tu prêt à mourir là-bas, le long des docks, le long des docks, le long des docks. It was Telephone with the Taxi Lass, Arthur Ashe with Ma Dernière Nuit à New York City, and Patricia Cass with Une Dernière Semaine à New York. Hello, bonjour, this is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchinfluences@gmail.com. Now we're going to listen to Alex Baupin with Brooklyn Bridge. Then it's going to be Mort Schumann with Brooklyn by the Sea. And Lolo Zouai with Brooklyn Love. And Lolo Zouai is French. And there's a little bit of French in the song. Déjà si loin, Paris paraît petit. Nous serons mieux, nous serons bien, noyés dans la city. Qu'importe qu'il pleuve sur Kennedy Airport. J'ai peur pendant l'atterrissage, mais tu me tiens la main. Alors comme un garçon bien sage, je pleurerai dans mon coin. Qu'importe le ridicule si tu m'escortes sur le pont de Brooklyn, ma petite âme. Face au building, comme une enfant joyeuse. Avril dépose sur Manhattan du soleil et tu pleures, comme une éternité qui plane, Central Park à nous deux. Brooklyn by the sea, dimanche après-midi, c'est une vieille promenade sur de longues planches malades, c'est la mer noire en petit. Tout le long de Brighton Beach, à Brooklyn by the sea. Brooklyn by the sea, les vieillards assis se racontent les histoires, les défaites et les vieilles gloires, les exodes et les fusils. Quand ils étaient loin d'ici, de Brooklyn by the sea. Si tu viens ici, taxi, dis au driver Brighton Beach, Brooklyn by the sea. C'est loin de la vie, c'est comme un pays que New York surpris regarde, comme ses rides ou ses lézardes, où tous ses rêves ont vieilli. Tout le long de Brighton Beach, dans un taxi, dis au driver Brighton Beach, Brooklyn by the sea. Si tu viens ici, saute dans un taxi, dis au driver Brighton Beach, Brooklyn by the sea. We'll be right back. trembling by the sea. Oh, raconte sa vie. For the Sparta tous brigada. Yes, Madrid was a wonderbar. Les survivants sont assis. Tout le long de Brighton Beach. Cette race va disparaître, pour et tu verras peut-être un dimanche après-midi à Brooklyn by the sea. Was Alex Baupin with Brooklyn Bridge, then Mort Schumann with Brooklyn by the Sea, and Lolo Zuai with Brooklyn Love.

j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sun. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sun. Monsieur Lister Young, si une bombe atomique tombait sur New York, que feriez-vous? Je briserais la vitrine de chez Tiffany et je piquerais tous les bijoux. Monsieur Grégory Corso, qu'est-ce que la puissance? Rester debout au coin d'une rue et n'attendre personne. Bonjour Monsieur Hendrix, je suis du New York Times. Salut! Moi je suis de la planète Mars. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Babylone, tu te shoot et tu rêves. Babylone, tu fumes trop et tu rêves. Babylone, tu exploseras sur un graffiti de New York. Roulant Ford, si tu veux faire Mac, roulant Cadillac, si tu veux faire Chic, roulant Buick, si tu Rockefeller, roulant Chrysler. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Nous étions arrivés balancés par des filins d'acier. Du haut de nos chevaux, nous regardions les fumées. De l'asphalte, des morceaux de pneus, de la gomme et les souliers. J'ai dit, nous détacherons les ponts de cette cité pour qu'elle puisse s'envoler. Pour qu'il n'y ait plus de sang, de sueur, ni de larmes. Seulement le silence, coincé entre mon rêve et deux océans. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York. Anciens, tu sais, quand tu voulais rien, pas plus d'un sourire que d'un refrain dit. Est-ce que tu t'en souviens? Il y avait nos deux cornes demandant rien, tu sais, quand tu voulais bien sur Broadway que l'on se tienne la main, comme l'on a aimé l'un là dans Manhattan. Do you remember? Do you remember? L'on a aimé l'un là dans Manhattan. nos efforts, nous deux en chemin. Des journées presque magiciens, qui n'a pas aussi fait. Le doute aussi en dit, est-ce que tu me soutiens? Il y a tout autour des milliards d'êtres humains, Monica, Mado, Milan, Salome, Chan, qui prendra la suite avant de perdre la fin. Oh, Luna ou Milan, là, dans Manhattan. Luna ou Milan, là, dans Manhattan. Do you remember, do you remember? Bien si toi d'où tu es dit. Moi d'où je suis, tiens, moi j'en sais rien dessus. Dis tout va bien si toi d'où tu es dit. Moi d'où je suis, tiens, moi j'en sais rien dessus. Il y avait nos débordements anciens, tu sais. Quand tu voulais rien, pas plus d'un sourire que d'un refrain dit. Est-ce que tu t'en souviens? Il y aura de nous tous prendre soin, aimer de près, aimer de loin, aimer le rythme de chacun. Ce de Luna et Milan là dans Manhattan. Do you remember, do you remember? Luna ou Milan là dans Manhattan. Do you remember, do you remember? It was Crapelli and Petrucciani with I Love New York in June, Yves Simon with J'ai rêvé New York, I Dreamed of New York, and Louise Attaque with Manhattan. Now, it's going to be Pierre Raspat with New York Civilization, Jackie Gelin with Paris, New York, New York, Paris, and Serge Gainsbourg with a song from the 80s with You're Under Arrest. And the action is happening in New York. Tu mens, du toc, du vent, New York, toi le progrès, tu bluffes. Pourri, gonflé comme un crapaud, New York, morné, lourd comme un bœuf. Tu rampes et ronges en vain, tu n'es pas que ça, mais une ville araignée. Un corps malade qui tousse et jeûne, New York, par tes rues étouffées. T'en sont plumées les ailes des anges, qui n'en est rien. Tu mens, vieux capotin, New York, tes tours me font pleurer. Tu t'inculpes dans ces néons, New York, tu peux te rhabiller. Les yeux fermés sur les damnés du Bowery, sur autodit de Harlem. Tu grattes le ciel, mais il pleut des fourmis au pied des grands totems. Les ailes des anges, qu'il n'en est rien resté que les os. die. New York. Tu mens, tu rends tes tripes. New York comme un empire Saturne. Des flics, des gangs et des poubelles. New York est donc ça le futur. Tu n'es pas un big boss, tu n'es pas que ça. Quand un dollar vaut un crime, pour jouer les héros caca. New York ne manque pas d'héroïne. New York, Paris. Comme un pauvre con, tout seul à Orly. J'attends ma petite Suzy qui arrive par le Boeing de 15h33, tout droit du Minnesota. Je peux pas rester en place. Suzy a une plombe de retard. Flac, l'idée me prend d'aller traîner mes godasses sur le dépotoir de l'aérogare qui est juste en face. Et là, vautré sur la banquette d'un jumbo jet déglingué, je rêve tout éveillé à Paris. New York, New York, Paris, comme si vous y étiez, comme si tu y es. Parnasse à Manhattan, 5ème avenue, 6h du soir. Vise-moi ce connard. T'as pas 100 balles pour un junkie. Héroïne, pressée, cocaïne, baby. Papier, New York, vitrine, you see what I mean. Pompier, trop tard, Madison Square. Struggle for life et business show, salaud. Lis ton journal, crise mondiale. Eddie Merckx a bouffé son vélo. Panne de lumière à Santiago. Captain Nemo crash sur la lune et je toxie dans le couloir qui mène à ton dernier. Blackout, New York, bravo, bravo. Lâchez le fauve avec son ticket troué à la main. Il a faim, il a faim. Paris, New York, New York, Paris. Dans 10 ans comme là-bas, ici. Asphyxie. Asphyxie. devenu skunk. Quelques punks aussi vont skip it. Chitlan de mon Iowa. The rhythm will rest, cause you're the best. Pierre Raspat with New York Civilization, Jacques Higelin with Paris, New York, New York, Paris, and Serge Gainsbourg with You're Under Arrest. KFAI wants to help you get the word out about your event. We have a number of underwriting packages ranging from full sponsorship campaigns to single mentions in our on-air community calendar. Let us work with you to find the best fit for your budget. You can contact sales at kfai.org or call the station at 612-341-3144 to connect with our underwriting department and get your message on Fresh Air Community Radio. There are certain things that are primordial. A cool fall evening with a crackling fire and supporting KFAI. Don't be this person. KFAI is listener supported. Go to kfai.org and donate to support Fresh Air Community Radio. And now we're going to talk about the events. The first one coming up is going to be on Saturday, September 19th from 2:30 to 3:30. And it's called Lecture Facile, or Easy Reading. And the name of the book is Le Géant aux Chaussettes Rouges. et autres contes de la rue Brocaille. It's by Pierre Gripari. Le géant aux chaussettes rouges means the giant with red socks. And you have to register or RSVP, so I would recommend that you go to afmsp.org or the Facebook page to get like a Zoom link. This month, the book is the second story from La Sorcière de la Rue Mouffetard storybook. The other events that we have is Tuesday, September 22nd from 6 p.m. to 7 p.m. You'll be even on time to go back and listen to Bonjour Minnesota. It is at the Alliance Française, and there's a link for the ticket. It's an outdoor event, audience in parking lot, piano and artist in La Grande Salle. It's going to be Jim Riley at the piano, music by Mozart, Chopin, and Gabriel Fauré, with Ben Cooper, tenor, in the first performance of the Danish Easel, three songs about Danish painters and painting text in English, and music by Jim Riley. There's a fee for it. It's less if you're a member of the Alliance Française. I'd recommend that you go to the Facebook page, Bonjour Minnesota, or Alliance Française, or go to afmsp.org. You'll have a longer description of what is going to be played. Then, on Thursday, September 24th, from 4:30 to 7:15, and it doesn't take the whole time, it's just like there's different levels and different times, there's the online French dictée, and it's also stayed by the Alliance Française, so afmsp.org or the Facebook page, and when you register, you're going to get a Zoom link. There's different starting times depending on your level. Beginner A1 to A2 is 4:30, intermediate B1, B2 is 5:15, and proficient C1 to C2 is 6 p.m. And there's another level at 6:45 that's TBD for the moment. Then, still with the MSP Film Society, you can enjoy Sibyl as a virtual screening, and it's going to play until the 17th. And it's a little bit early on this one, but this way you can mark your calendar. The French-American Innovation Midwest registration is open. It's with the French-American Chamber of Commerce. It's about virtual health, new challenges and opportunities. So it's October 21 and 22nd. Virtual symposium with discussion panels, mini stories, presentation, workshops, connect chats, and more. It's organized by the French-American Chamber of Commerce of Minnesota in collaboration with the other French-American Chamber of Commerce of Ohio, Michigan, and Chicago, and CCIFC. You can get more information at www.faccmn.com. And as usual, take advantage of the local theaters. The ParkwayTheater.com or the RiverviewTheater.com both have virtual screenings, and quite a few movies are in French. So you can check them out, and it helps the local venues. All right, back to the music. Now we're going to listen to another Gainsbourg with New York, USA from 1964. Then Django Reinhardt with two songs, New York City and September Song. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York, USA. Empire State Building, Océan. Rockefeller Center, Océan. International Building, Océan. Waldorf Astoria, Océan. Pan American Building, Bank of Manhattan. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York is a time and life building. Americana Hotel. CBS building. RCA building. First National City Bank. Mm-hmm. it was Serge Gainsbourg with New York, USA, and Django Reinhardt with New York City and September Song. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to La Femme with Septembre, then Camélia Jordana with September, and Liane Folly with September Rain. L'été est fini. The summer is over. Les vignes de l'année aux rondes beaux raisins. se rassembler. Au loin, les hirondelles. Mais il faut se quitter. Pourtant, l'on s'aimait bien. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Sur la fumée des cigarettes, l'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre. Et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin, que ce temps couleur d'ombre. Je reste sur le quai. Peut-être un soir, au détour d'un printemps. Quel joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain. bonheur ne frappe jamais sans bruit. J'ai reçu ta lettre. Oh, aujourd'hui, la distance n'a aussi. Mon chagrin est tellement fort que je rêve encore quand le temps s'ouvre, la pluie. La Femme with September, Camélia Jordana with September, and Yann Folly with September Rain, L'été est fini. Okay, I came to the health club. Can we go now? No, this is good for you. How can strapping yourself to one of these machines be good for you? Because the last time someone checked, exercise was good for you. How about some weightlifting? But we already do a lot of lifting. We donate to KFAI. We're supporting an entire radio station. So you exercise by weightlifting with radio waves? I call it toning up by tuning in. You and KFAI. I like you both, weird and all. Not as weird as paying to pick up heavy things and put them down over and over. Now we're going to listen to Les Discrets with September et ses dernières pensées. September and its last thoughts. Then Noir Désir with September en attendant, September while waiting. And Hélène Segarra with L'été indien. It is a cover of Joe Dassin, but the voice of Joe Dassin is also part of the song. So it's not really a duo because Joe Dassin's dead, but it's not completely a cover, but the interpretation is great and the orchestration is really different, a little bit more oriental too. Je ne crois pas décidément que nous ferons ce voyage. Au-delà de ce ciel lumineux, de plus en plus clair, protégé, inaccessible à l'ombre. Je me vois mal en ma mer honte, à jamais. Prétendant un paradis invisible. Mieux avec sa dominée. À fouiller dans les vieux souvenirs, on s'interdit l'éternité. Le corps se court, lentement, comme l'espoir fane. On ne voit plus que les marques du temps. Nos rapproches, notre tombeau l'attend.

lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. It was Les Discrets with Septembre et ses dernières pensées, Noir Désir with Septembre en attendant, and Hélène Segara with L'été indien. Hello, I wear a mask. I hear the birds a-chirping, yeah, spring is in the air, but I ain't going outside cause I do not dare. I'm stuck in quarantino, and time keeps dragging by. But at least I've got the radio tuned to KFAI. When I was just a baby, my mama said to me, if you get sick, don't pass it, don't give to everybody. I'm far from other people, so we all don't get sick. And at KFAI station, it's weird, but I like it. Yeah! Now we're gonna listen to Christophe Maé with La fin de l'été, The End of the Summer. Then Charlie Bell with Avant la fin de l'été, Before the End of the Summer. And Nancy Holloway with Quand vient la fin de l'été, When the End of the Summer is Coming Up. Regarde-moi, pas la peine de pleurer. La fête est terminée, c'est vrai. C'est la fin de l'été. Hey, regarde-moi, même si c'est beau de pleurer, juste un blues passager, tu sais. C'est la fin de l'été. On reviendra ouvrir le ciel. la fin de l'été. Hey, regarde-moi. Même si c'est beau de pleurer, c'est juste la rentrée scolaire, tu sais. C'est la fin de l'été. Plus belles années, je ne crois plus au trésor. Quand On le sait, le soir, on s'aime comme ça. Tout s'envole, tout s'en va, ça se passe comme ça. On le sait, le soir, on s'aime comme ça. On le sait, le soir, on s'aime comme ça. On le sait, le soir, on s'aime comme ça. Tout s'envole, tout s'en va, ça se passe comme ça. Tout comme toi, je m'endors sur nos plus belles années. It was Christophe Maé with La Fin de l'été, Charlie Bell with Avant la fin de l'été, and Nancy Holloway with Quand vient la fin de l'été. Okay. Well, thank you for listening. That's all, folks, for tonight. Yeah, just for tonight. We'll come back. Yeah, next week, yes. Maybe. Yeah, no, well, for, maybe sure. For sure. Yeah, that's for sure. That's all she wrote. I love this expression. But no, thank you so much for listening, everyone. And be safe for another week. Yeah, keep we'll on following talk us. To you soon. Yes, and have a nice evening, a nice week. And we'll be here next week. And check us out on kfai.org or on Facebook. Bonjour, Minnesota. All right. Au revoir. Au revoir, bye tout le monde. Bye-bye.